mic. Vrai gars font vraie chose. Deuxième à la prod. Ouh. 2-0-1-1. Check. Ouh. Faites place au prophète, place au prophète. Coupe les premières à la Swiss Beats. Après le droit de retour, attends la suite, bitch. Coupe les premières à la Swiss Beats. Après le droit de retour, attends la suite, bitch. Let's go. Rap sanguinolent, les guignols, on conquis les ondes, ils font les bandits, le schizo bondit, sauve les gamins gavés de peur aggravés sur des CD cradés, se vole le game de la folie. Je t'aime un peu beaucoup même. Les mythos ni solitaires, limitotis, les amis, critiques aussi solidaires. Épisodique, l'hypocrite vous hypnotise. On m'avait dit, sois un mec bien et la roue tournera. J'ai tendu la main, mais du destin, les coups de pouce c'est rare. Sous faire de destin, j'ai perdu les clés de la serrure. Man, c'est dur, le malin sévit, mon âme et le bonheur s'évite. Dans les puits et sévices, mais c'est quelle mise au service du mal et des ténèbres, v'là des larmes en BPM. J'taffe pas, c'est éphémère, t'inquiète-moi, ce n'est qu'éphémère. Ton fils est un homme, tu feras partie des mères fières. Yo de K.O. Mike, j'écris mes textes avec la rage de vaincre. Là c'est dommage, on parle pas de sexe et y'a pas de refrain. On dit en plus, là tes textes sont tous tristes. Va falloir que tu changes, arrête ça tout de suite. On n'oublie pas les coups durs, on apprend à vivre avec. Quand on se vide la tête, les coupes, leurs cicatrices, mère juste après. Ma casquette, il me reste les larmes du croco. Tu crois quoi, recèle l'air de TN, blunt au kilo. Tu te dis, prends pour kilo, trop des kimos, que je soigne Wissi Coca. Qu'est-ce qu'il est délit, privilégie les délires, demande à ta goga. Deuxième à la prod, voilà ma troupe comme dans la peau. Il y a la mort, ce son là aura un goût de trop peu. Amateur de jolies courbes, ta race sans la poudre. Fais-moi mal les cours, car sache qu'à la fin, le falche est frappé par la poudre. Deuxième à la prod, voilà ma troupe comme dans la peau. Il y a la mort, ce son là aura un goût de trop peu. Amateur de jolies courbes, ta race sans la poudre. Fais-moi mal les cours, car sache qu'à la fin, le falche est frappé par la foudre. Oh le bâtard.